battant écrasé pour t'élever un peu. Coucher et déployer des arguments scabreux. Rouler ou emprunter tous les chemins bourreux. Pas besoin de bluffer, non. Un petit effort et on partagera ta bonne musique. En dignité, on appréciera ta bonne musique. Dans ton bruit, dans ta transe, nous on s'agitera. On suivra ta cadence, nos pas dans tes pas. Plus de hasard, de malchance, du sinistre aléa. Tu gagneras notre confiance et on te saluera. Bon agiter tout ce pognon foireux, te vanter, t'épuiser, à faire l'enronneur, maquiller et tricher pour parler beaucoup mieux. Pas besoin de snober, non. Moins de boucan et on percera ta bonne musique. Dans la clarté, pas dans le brouillard, ta bonne musique. Nulle part douce. Renaissance, ton soleil brillera. Plein d'amour, de bon sens, il te distillera. Plus de crise, plus d'obligeance, au diable désespoir. Tu auras reconnaissance, pour toi ça baignera. Car ce monde vif intense, renouveau de ta conscience, l'honneur te comblera. Loin des frasques, des liquescences et du mauvais aloi. Juste grâce en abondance tout au long de ta voix. Inutile d'angoisser, attendons ses adieux, de prier, d'implorer parce que t'es malheureux, d'espérer la chercher, d'installer sous d'autres yeux. Pas besoin de flipper, non. Ouvre ton cœur et elle écoutera ta bonne musique. Elle restera et tu l'aimeras, ta bonne musique. Chante, chante, chante, chante. Et bouge au rythme de ta danse, jusqu'à ce que le bonheur et la joie s'imprègnent en toi et se répandent autour de toi. Ne joue plus dans l'arrogance, le mépris tu déploies. Cesse d'être mûr d'indifférence, un but et rabat-joie. Jusqu'à ta jolie clémence, qui sait devant ça, désolé, sans espérance, réagis, reprends-toi. Seule ta musique ouvrira la